sitting in the playground of life. Let's see, we got to run, go run by. C'est pas les accords en plus, c'est pas les bons accords. Bon, fais ce que tu veux. Da, da, da, da, da. Ça marche pas, ok Google. Ok Google. Dire Threats. Golf 7. Mais Golf 7. La Golf 7. Ok Google. Je parle tellement mal en anglais, il me fait recette. Cool. Cool. Le son, pas mal le son. En fait, en concert, le mec, il a même synthé que moi.